1, 2, 3, 4. Ce ne sont guère les montagnes russes que je préfère, ni la chenille, mais son petit manège de puce. La grande roue n'atteint pas sa cheville. Au cœur de sa bouche, elle avait enfoui un bon millier de pommes d'amour. Elle gardait pour les petits gars son grand oui et son petit oui pour le petit jour. Si d'aventure vous pénétriez farouche le palais des glaces sans peur du loup et braconnier en douce sur sa bouche, mille sœurs jumelles vous mordaient le cœur jaloux. Fusil au poing, ceux qui cassaient leur pipe remportaient comme croix d'honneur canaille la petite ours qui vous lèche la lippe, les soirs de vrai bonheur de fausse bataille. C'est une reine, une fausse reine qui fait tourner la tête des vauriens, des vauriens de la fête foraine. C'est une reine, une fausse reine qui fait tourner la tête des vauriens, des vauriens de la fête foraine. Allez, pour ainsi dire, comme ces crêpes, tout le monde était à la colle avec. Dans cette vigne vierge, je semblais le cep torturé de ne pas l'être par ses coups de bec. Alors pour quel empin je laissais planer, un mystère remontait sur mes petits chevaux. Moi qui pour trois tours de carrousel n'ai pas le tournis, pour un sou j'avais chaud. Avec les vauriens, s'évanouir au prix du satin. Et la poudre aux yeux, un sale acaparien, 2000 ors se l'acheta un matin. Ça te dirait New York et Mickey? C'est autre chose que ton Luna Park. On part, le bateau est à quai. Elle aurait pu dire non, remarque. C'est une reine, une fausse reine, qui fait tourner la tête des vauriens, des vauriens de la fête foraine. C'est une reine, une fausse reine, qui fait tourner la tête des vauriens, des vauriens de la fête foraine. Mais le manège tourne à coups dans ce voyage, la sensation de faux départ. Car qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, elle allait au débat sur les boulevards. Je n'ai plus le ticket avec ses yeux verts. Un mercenaire a mis sa vie en pièces. Elle fait ses grises mines au grand air. On lui rend la monnaie de sa fesse. C'est une reine qui fait tourner la tête des vauriens, des vauriens de la fête foraine. C'est une reine qui fait tourner la tête des vauriens, des vauriens de la fête foraine. C'est une reine qui fait tourner des vauriens, des vauriens de la fête foraine. C'est une reine, une fausse reine qui fait tourner la tête des vauriens, des vauriens de la fête.